Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver sur ce cargo culte. Alors, ce cargo culte, autant heureux que d'habitude, si vous voulez. Mais peut-être en un sens, un tantinet plus, parce que finalement, c'est pas tant d'un album culte qu'on va parler aujourd'hui, que d'une œuvre culte. Alors, je m'explique, et puis je vais la nommer tout de suite. Il s'agit de Steve Reich et sa pièce « Drumming ». Et évidemment, quand on commence à parler de ces gens qui voilà, de la musique contemporaine, de grandes œuvres, et pareil pour la musique classique, si vous voulez, on est dans des œuvres de répertoire. Donc, il ne s'agit pas de parler d'un album en particulier, surtout que Drumming est comme à peu près la plupart des pièces composées par Steve Reich, a connu moult éditions, si vous voulez. Et certaines sont meilleures que d'autres, croyez-moi. Et sur Drumming, pour le peu, on va retourner aux sources et on va retourner aux premières. Alors allons-y. Parce que Drumming, c'est réellement une œuvre culte. Elle est extrêmement représentative de ce qu'est le minimalisme à ce moment-là. Elle est pile-poil dans le sommet de la première carrière de Steve Reich. Première carrière qui est finalement plutôt expérimentale, et je vais rapidement justifier pourquoi. Et carrière qui elle-même est loin d'avoir récolté tous les lauriers que récoltera Steve Reich par la suite. Parce que là, c'est pas un secret, Steve Reich c'est probablement l'un des compositeurs vivants les plus connus actuellement. C'est ce qu'avait titré en tout cas le New York Times il n'y a pas si longtemps que ça sur Steve Reich. Bon, on peut les croire, tout comme on peut ne pas les croire, mais c'est clair que Steve Reich est connu. Et il est l'un des compositeurs aussi vivants les plus joués au monde. Alors allons sur Drumming, allons sur cette œuvre culte. Elle dit exactement ce que c'est. C'est bien The Drums dont on va parler là. Et Drumming, qui paraît en 1971, la vraie parution, on va dire, date de 1974. Alors si je parle ici de parution, c'est plutôt la création. Et la création de Drumming, c'était en décembre 1971 au MoMA, au New York MoMA, donc au Museum of Modern Art de New York. C'est une pièce qui marque le véritable début de la carrière de compositeur de Steve Reich. Et pour la première fois, on peut dire qu'un des compositeurs minimalistes est vraiment pris au sérieux par la presse new-yorkaise. Énormément de choses vont commencer là. Or, les débuts du minimaliste sont antérieurs, évidemment. Mais ce que je viens de dire est texto, en tout cas presque à la virgule près, la note qu'avait écrit Tom Johnson en 1971, et il signait dans les colonnes du Village Voice à New York justement ce que je viens de vous dire, à savoir que Drumming marque les véritables débuts de carrière de compositeur de Steve Reich. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas déjà là, évidemment. Restons auprès de Tom Johnson. Tom Johnson, c'est un journaliste, mais c'est aussi un musicien, et il a fait plus que suivre, si vous voulez, les acteurs premiers du minimalisme et leur descendance. Il en a été aussi presque un parrain, puisque c'est à lui qu'on doit l'importation de ce terme pour définir ces nouveaux musiciens qui apparaissent à l'aube des années 60, les fameux minimalistes. Le mot vient des arts plastiques, on le sait. Il est emprunté plus spécialement à cette génération d'artistes tels que Donald Judd, c'était le théoricien fort du minimalisme plastique, et il est entouré par d'autres éléments forts aussi, je pense à Dan Flavin par exemple. Donc quand au milieu des années 60, Tom Johnson va décalquer cette définition sur ses nouveaux compositeurs, qui eux n'ont pas de nom a priori, bah, finalement ça tombera pas mal, même si ça ne va pas être accepté de facto. Longtemps, on parlera de musique répétitive en parlant de Steve Reich, en parlant de ses associés, entre guillemets. Alors, puisqu'on est dans la généalogie, bah, allons-y. Mais très rapidement, elle est finalement extrêmement simple, la généalogie du minimalisme. Elle est extrêmement simple. Voilà, il y a deux papas, il y a deux enfants directs. Après, il y a plein de petits-enfants. Et puis finalement, ensuite, une ribambelle de bâtards joyeux qui mélange tout ça. Donc, la généalogie première. La Monte Young père d'un minimalisme radical, ce minimalisme de drone et de son continu, parfois oppressant. Terry Riley, son comparse, son buddy, son copain, ils ont travaillé ensemble. Et Terry Riley est clairement, lui, le père d'un minimalisme rythmique, et qui va être extrêmement influent sur les deux rejetons qui suivent immédiatement, c'est-à-dire Steve Reich, ben oui, lui, et c'est aujourd'hui lui dont on va parler, et Philip Glass. Et ne mentons pas, hein, c'est eux deux qui sont un petit peu les chefs de file du truc, dans le sens où ils ont une reconnaissance absolue, reconnaissance qui a largement dépassé celle des pairs. Et là, ma foi, ça peut prêter à discussion, puisque les orthodoxes du genre, évidemment, mettre davantage de laurier à la Montaignon autant qu'à Cathy Riley. Mais enfin, ça n'empêche pas les deux rejetons malins d'avoir exprimé, effectivement, très très très haut cette musique américaine et l'avoir rendue célèbre de par le monde. Je vais citer ce propos, il est très beau. C'était Philip Glass qui parlait et qui, en se confiant à l'oreille de Jacqueline Coe, c'est quelqu'un qui est très proche des minimalistes et à qui on doit des films autour des gens dont je parle aujourd'hui, et à l'occasion d'un des très rares concerts de Lamont Young chez lui, dans sa Dream House, située au cœur de New York, dans l'angle Tree Breaker, Soho, voilà. Philip Glass était présent au concert. Le concert de Lamont Young réunit entre 50 et 60 personnes, hein, pas beaucoup plus. Ce n'est pas le Carnegie Hall. Et c'est Philip Glass lui-même qui dit, voilà, Lamont Young est le roi, Terry Riley est le prince, et nous sommes les vassaux. Et en disant nous, Philip Glass pensait à lui-même, mais aussi à Steve Reich, puisque c'est deux bons copains. Et c'est intéressant que ces compositeurs ultra connus, bien plus que les deux premiers, finalement reconnaissent extrêmement humblement cette descendance-là. Donc Steve Reich, comme Philip Glass, doivent beaucoup, et peut-être principalement, mais pas que, mais principalement à Terry Riley. Et là, je vais m'expliquer et je vais rentrer dans Drumming. Drumming, c'est la fin de la... Et c'est l'acmé, hein, c'est l'apothéose de la première période de Steve Reich, sa plus expérimentale, probablement sa plus difficile, soyons francs. Les œuvres de Steve Reich vont devenir plus abordables, en tout cas, elles vont trouver plus facilement un public à partir de la fin à partir du début des années 80, et beaucoup plus qu'au début des années 70. Alors, super rapide, hein, biographie de Steve Reich, en tout cas d'où il vient. Je ne vais pas dire d'où il va, parce qu'après, c'est très, très très très long. La pièce qu'on va écouter aujourd'hui est longue, hein, de fait. C'est une des plus longues qu'ait fait Steve Reich, elle fait presque 1h30. Donc j'essaierai de parler peu, mais il est dur de parler moins aussi, surtout quand on parle du minimalisme. Less is more, c'est bien connu. Steve Reich, il naît à New York en octobre 1936, et... ce qu'on ignore et ce qu'on oublie, parce qu'on l'associe totalement à New York, et il est une espèce de tutélaire mythologie, Steve Reich va en fait partager son enfance entre New York, mais aussi la Californie, c'est-à-dire tout à fait de l'autre côté. Et pourquoi ? Parce que sa mère est en Californie, son père est à New York. Le couple s'est séparé, et très jeune, l'enfant va finalement aller d'un coin à l'autre. C'est quelqu'un qui va étudier le piano, mais se tourner assez vite vers la percussion. Et oui, la percussion, voilà qui nous intéresse aujourd'hui. Et quelle percussion l'excite ? C'est pas les percussions de Strasbourg, hein. C'est le jazz. Et c'est notamment en entendant Miles Davis et puis son batteur de l'époque, Kenny Clarke, qui va vouloir expressément se lancer là-dedans. Les années fac vont faire que Reich va vraiment approfondir sa connaissance de l'histoire de la musique, et ça, toute musique, hein, spécialement la musique européenne, de Jean-Sébastien Bach à la musique du début du XXe siècle. Il va revenir à New York, ça va être un des grands et des bons élèves de la Juilliard School, hein, c'est de la fin des années 50, quoi, jusqu'en 61, et la Juilliard School a formé effectivement des compositeurs importants. Il devient là copain avec Philip Glass, ils le resteront. Et retour en Californie, là encore, au Mills College, c'est encore une institution assez importante, où il va rencontrer des grandes figures de la musique contemporaine européenne, qui flirtent, voire embrassent totalement la musique atonale. C'est le cas, de Darius Milhaud, ou encore Luciano Berio, qui seront ses pères, ses profs. Certes, mais finalement, il va très vite tuer le père, hein, et de fait, rejeter totalement le sérialisme à l'européenne pour se dire « Mais merde, on vit aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a dans l'air comme musique ?» C'est le jazz, c'est John Coltrane, ce jazz modal qui fait autre chose qu'être un stricto sensu jazz. Hein. Et puis, le boogie-woogie, quoi, cette musique, ce rhythm and blues, on le respire aux États-Unis, qu'on soit en ville comme en campagne. Donc tout compositeur, entre guillemets, post-classique ou contemporain, aurait tort de fermer les yeux sur ce qu'il imprègne. Et c'est exactement ce qui va animer les minimalistes. Finalement, il y a beaucoup plus de boogie-woogie, même dans la Lamont Young, que de musique strictement expérimentale, post-classique ou autre, quoi. Petit aparté qui mérite d'être dit. Je glisse juste après, finalement, au début de ce qui va être la carrière de Steve Reich. Là, donc, j'insiste sur ces allers-retours New York, Californie, et là, en l'occurrence, San Francisco, où, aux côtés de Terry Riley, Steve Reich va performer la toute première grande pièce tutélaire du minimalisme. C'est le INSI, le Ando, de Terry Riley. Et il sera un des musiciens du truc. Et Terry Riley va, dans la foulée, il l'avait même fait précédemment, et ça c'est un exercice mythique sur lequel je reviendrai pour le moment de Terry Riley, développer une écriture absolument formidable à partir de magnétophone. Mmh. Écriture qui est plutôt un truc, un procédé, qu'une stricte écriture. En l'occurrence, Terry Riley invente le tape delay, mais sous le nom de Time Lag Accumulator, et va finalement faire en sorte que l'enregistrement d'un son soit lu en décalage par une seconde tête de lecture d'un deuxième magnétophone. Principe somme toute enfantin qui a été reproduit après dans des pédales de délai et des effets qu'on trouve partout aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est strictement nouveau et totalement expérimental. Et avec ça, Terry Riley a fait des trucs magiques qui vont totalement éblouir Steve Reich, le jeune Steve Reich, entre guillemets. Et en imitant cette technique, il va faire plus que l'imiter, il va la développer dans un concept génial. Il va la développer par accident avec ce qu'on appelle la technique de phasing. Le phasing, c'est un décalage, finalement, entre ces deux têtes, mais un décalage peut-être encore plus réduit, encore plus fin. Et il s'avère que quand la toute première pièce de Steve Reich, It's Gonna Rain, et là, on est en 65, donc on est bien avant l'année 71 dont je vous parle pour Drumming, mais on n'est pas tant que ça avant non plus, il va y avoir un pain technique qui fait qu'il va y avoir un ralentissement d'un des magnétophones qui, au bout d'un moment, bah, va être de plus en plus à la traîne par rapport au magnétophone principal. Et conscient de cette perturbation, Steve Reich va du coup choisir de jouer à gauche du spectre un magnétophone et à droite du spectre un autre magnétophone. Et vont s'entraîner comme ça un effet de déphasage, ce sera la traduction finalement spécifique du phasing. Et avec ça, créer une pièce absolument étourdissante d'un genre nouveau et surtout faire d'une technique un procédé d'écriture. Et ça, il va rempiler très très vite avec pour prendre l'une des premières pièces connues du genre et qui va valoir finalement à pas mal de respect à Steve Reich. C'est non pas It's Gonna Rain qui est fait en 65, mais c'est celle qui va suivre juste après. Come out. Come out to show him. Come out to show him. Come out to show him. J'en parlais il y a peu parce que c'était une pièce qui avait repris de manière plus ou moins déguisée Captain Beefheart dans son album Twilight Mask Replica. C'est intéressant de savoir dans quelle constellation on se situe et puis la porosité aussi qu'il y a entre différentes tribus expérimentales de l'époque. Alors, fort de cette trouvaille, mais qui finalement devient un procédé, Steve Reich va appliquer cette technique strictement électronique, donc de décalage de deux magnétophones, à l'instrument lui-même. Et c'est là que une écriture va se créer. Puisque, toujours intitulé phase, vont arriver violon phase, piano phase, et qui va consister là, à abandonner totalement le métophone, mais à reproduire par le geste, par la musique et par l'instrument, il y a un jeu collectif autour d'un instrument ou deux, mais souvent au départ, c'en est qu'un, ce décalage temporel. Drumming vient au bout de ça. Et là, le propose non plus sur un seul instrument, mais plusieurs. Et vous l'aurez compris, des instruments strictement rythmiques. Alors lesquels ? Y a un mélange de tambours. Il y a trois tambours qui sont en fait des c'est pas des tambours africains, c'est intéressant. Ce sont des tambours, des congas en fait. Mais qui sont joués non pas à la main, mais avec des baguettes. Chacun de ces tambours est accordé, du moins accordé, dans une hauteur particulière. Ils ne sont pas tous le même son. Vous l'entendrez très vite. Des marimbas, des carillons, de la voix, et oui, de la voix, mais qui chante pas, et qui parle pas non plus. La voix, elle singe finalement la percussion. Et cet ensemble nous fait basculer littéralement dans un autre monde qui doit en fait aux perceptions psychoacoustiques de ce fameux déphasage, à part que là, il est strictement appliqué. Et vous allez voir que c'est intéressant parce qu'on rentre dans une polyrythmie complètement fascinante. Et croyez-moi, sur 1h30, c'est 1h25 un peu plus, c'est totalement fascinant. Il y a ce développement qui devient ahurissant. C'est séparé en 4 temps, comme ça, assez fort, d'une vingtaine de minutes chacun. Et au début, on est strictement droit avec juste les drums et qui vont appliquer le motif principal qui va se répéter, ce qui va se répéter, qui va se répéter. Et il y a un éclaircissement à apporter tout de suite, c'est que cette polyrythmie extrêmement complexe est en fait étonnamment simple. Ah ! Alors, pourquoi ce paradoxe ? Ben, il est étonnamment simple parce qu'en fait, il s'agit du même motif répété, hein, qui comporte moins de 10 notes, quelques soupirs au milieu. Vous l'entendrez très clairement au départ. Mais à partir du moment où vont se multiplier ce même motif rythmique, mais en décalage, et puis après, avec des hauteurs de sons différents et des timbres même différents, effectivement, la perception de ce travail va devenir totalement étourdissante et merveilleuse à la fois. Ajoutez qu'à ça, que si les trois tambours vont garder quasiment constamment l'assise rythmique de base, les autres instruments, comme le carillon ou même la voix, eux, ne vont pas reprendre in extenso le même motif rythmique. Ils en prendront une partie, ou juste le début, ou juste la fin. Et comme je vous dis, tout ça, vous allez voir, c'est le motif rythmique lui-même est étonnamment court. Voilà. Jamming doit beaucoup à ça, mais aussi à une résidence de travail dans laquelle, pendant l'été 1970, Steve Reich a travaillé auprès d'un maître de percussion ghanéen. 5 semaines de sa vie, mais 5 semaines absolument primordiales. Et effectivement, ça fait Steve Reich quelqu'un qui peut-être le premier s'est tourné vers l'Afrique, et pas juste de manière théorique. Si vous voulez. Il y a strictement étudié avec un maître extrêmement important. C'est Gideon alors Woye. Et ça fait Steve Reich quelqu'un qui est en décalage, peut-être en tout cas en singularité, par rapport à Philip Glass, par rapport à Steve Reich et par rapport à Lamonte Young, qui eux avaient appris auprès de maîtres indiens. Donc, effectivement, que la transe africaine imprègne la transe du minimalisme, ça paraît une lapalissade. C'est même une évidence aujourd'hui, mais ça n'est pas strictement pour l'époque. Et ça l'est encore moins quand en 71, finalement, effectivement, Steve Reich est dans une forme de confidentialité expérimentale, ayant pas peur du mot, et que, à l'arrivée, enfin, et devant le public initié, mais quand même curieux et un peu déboussolé du New York MoMA en 1971, va pouvoir dûment proposer le spectacle et cette représentation de drumming. À la suite de ça, drumming va tourner en Europe, évidemment, et rencontrer aussi son public. Un très petit public, ne mentons pas, un très petit public. Et c'est drôle, puisqu'en fait, c'est même les autres compositeurs, les autres copains, finalement, les frères d'armes qui vont jouer la pièce, parce que de toute façon, il n'y a pas le budget pour payer des musiciens professionnels pour jouer le truc. C'est ce qui fait qu'en Europe, quelqu'un comme Cornelius Cardew ou Gavin Bryars vont être les interprètes de cette pièce-là. Parce que forcément, ils sont copains et ils vont venir jouer gratuitement. Il n'y a pas le choix. Des rumeurs ont même dit que les premières de drumming en France, il y avait autant de public dans la salle que de musiciens sur scène, c'est-à-dire 7 personnes. Voilà. Non, tout ça, c'est pas fait facilement, surtout qu'il y avait une forme de rétention culturelle face au minimalisme. Ah, quelle histoire. Mais c'est pas de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans cette heure 25 minutes de drumming, Steve Reich, donc, et Steve Reich ensemble en 1971. Thank you. faut espérer un bon coup après, hein, quand même. Voilà, quasiment 1h30, hein, transe parfaite. C'est Steve Reich, son fameux drumming. Quel plaisir d'avoir écouté ça avec vous aujourd'hui sur Cargo Cult. Steve Reich, 85 ans cette année quand même. Bravo le bonhomme, longévité exemplaire. Et puis, bah, quasi genoux, hein, au moment de cette pièce, elle s'est créée entre 1970 et 1971, un an d'écriture hein, quand même pour cette pièce, et 34 ans, donc au moment de sa première diffusion. 34 ans, c'est jeune, et puis c'est déjà de la bouteille. Steve Reich avait, donc je le répète parce que j'insiste sur ce procédé qui devient un processus, qui est celui du phasing, et avec lequel Steve Reich va dresser toute la première partie de sa carrière, c'est-à-dire des débuts avec la bande magnétique, jusqu'à Drumming, qui va conclure ce cycle, donc là en 71. Très peu de temps avant, en 1968, Steve Reich a laissé un texte clé, qu'il appelle « Musique en tant que processus graduel ». C'est un essai assez court, mais où Steve Reich positionne absolument son statement, hein, si vous voulez. Et voilà ce qu'il dit clairement. « Ce qui m'intéresse, c'est un processus de composition et une musique qui ne soit qu'une seule et même chose. » Voilà, donc tout est dit. Le processus est la composition. Le médium est le message, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sera un patch Max MSP ou un patch Pure Data. Et du coup, c'est quelque chose qui est à la fois époustouflant de simplicité et en même temps d'une rigueur absolue et indémontable. En ce sens-là, d'ailleurs, on est à l'opposé de l'improvisation. Steve Reich continue hein, d'ailleurs dans son texte clé « Musique en tant que processus graduel » en disant « On ne peut pas improviser dans un processus musical ». Évidemment, improvisation et processus sont deux concepts qui s'excluent mutuellement. Alors, c'est le paradoxe d'une musique qui, évidemment, très volontairement, et plus que volontairement d'ailleurs, de manière pédagogique, se situe en prolongation des enseignements de la musique au Ghana, de la musique africaine, spécialement ouest-africaine, et d'une musique qui fait plus qu'appel à la trance. On a parlé à partir de la deuxième partie du XXe siècle d'effets psychoacoustiques hein, générés par la musique, dans la perception des sons, mais aussi dans leur répétition et ici dans leur déphasage. Ça amène à un sentiment quasi psychanalytique. Et là encore, je cite Steve Reich. En écoutant et en exécutant des processus musicaux graduels. C'est exactement comme ça que les nomme Steve Reich, hein, j'insiste là-dessus. Donc en exécutant et en écoutant ces processus musicaux, on participe à une sorte de rituel particulier, libérateur et impersonnel. Il poursuit, se concentrer sur un processus musical permet de détourner son attention du lui, du elle, du toi, du moi, pour la projeter en dehors, à l'intérieur du ça. Voilà. Freud on drums, quoi. Et attention, avec quel envolé, mais avec quel brio, avec quelle écriture. 85 ans, Steve Reich aujourd'hui, et d'aujourd'hui à Drumming, la carrière est colossale. Je ne vais absolument pas en parler là, ça prendrait d'autres heures, et ma foi, on s'y consacrera dans un prochain Cargo Cult. Par contre, justement, je vais rester sur cette projection en dehors et à l'intérieur du ça, on va bien la prendre au mot Steve Reich. Et je nous offre une sortie avec justement le maître, en tout cas indirectement, le maître de musique Gideon Alworiorki. Il a quitté le Ghana, il enseigne aux États-Unis maintenant, c'est vraiment un très grand maître de musique. Mais ce maître vient lui-même d'un background important et qui est toujours vitalisé au Ghana, qui est celui d'une tribu, la tribu Yewi, et dont les drums sont finalement à nul autre pareil. John Zorn, New-Yorkais, prosélyte de toute tendance, est allé quémander et est allé ordonner à une équipe de field recordistes d'aller trouver la tribu là-bas et de faire paraître, c'était bien d'après d'ailleurs la pièce de Sivrage, c'était au milieu des années 90, en 96, un album qui s'appelle Drum of Death. Et je nous offre 10 minutes de ces drums enregistrés sur le parterre de la tribu. Hein. On est là, c'est du roots, quoi. Mais vous allez voir, cette ponctuation, c'est quasiment mot à mot, parce que j'ai envie de parler de mots plus que de notes, finalement, à ce moment-là, ce que faisait Steve Reich. Essentiellement basé, bien sûr, sur la pulsation, mais aussi cet apport, ce décalage et cette fameuse graduation qui est le maître mot chez Steve Reich, et puis qui est cette graduation qui, bien sûr, conduit à la transe. On est en pleine Afrique, on est dans du pur et dur, voilà la tribu Aiwi, donc enregistrée par les soins de Steve Zorn en 1996. Bonne écoute, c'est notre au revoir pour ce cargo culte, et très très heureux que vous ayez monté à bord de cette tribulation drumistique. On se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine à tous.